Hello Oxfam sur Fadjet avec le groupe local Oxfam Nancy. Eh ben, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et encore une fois, ce mois-ci, j'ai le plaisir de recevoir Denis. Salut. Oui, bonjour. Bon, écoute, je suis désolé, mais parfois tu remplaces certaines personnes. Ça m'arrive aussi parce que je sais que tu as un agenda, d'ailleurs, que tu vas nous partager tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Oui, il y a plein de rendez-vous hyper intéressants sur l'agglomération d'Ancienne et autour en ce moment. Bon, on n'est pas loin des élections municipales d'ailleurs, mais bon, ça, on ne va pas parler trop. Normalement, Oxfam ne fait pas de politique, mais... Mais on est influenceurs, on essaye d'avoir des villes résilientes et des villes pour un avenir féministe. Hein. Oui, oui. Beaucoup de groupes locaux en France sont sur cette question. À Nancy, je reconnais qu'on était un peu discret, parce que, exemple, la Maison des Femmes qui est ouverte pendant... ces derniers mandats. Enfin voilà, il y a des choses qui avancent dans le bon sens, on va dire. Oui, oui, oui, oui. D'ailleurs, on pourra se poser la question, qu'est-ce que c'est la politique ? Est-ce que c'est la politique politicienne ou voilà. Est-ce que c'est la politique, les affaires de la cité et des choses extrêmement importantes ? Mais, n'allons pas trop vite. Deuxième partie. Pour... Là, pour le moment, comme tu le sais, donc, je t'ai invité un peu en catastrophe parce qu'initialement, il y avait cet ami qui m'a passé le flambeau d'agir ici, qui est devenu Oxfam France, qui devait venir le mois dernier, et puis qui a un petit souci d'agenda, de contretemps. Mais donc, ça ne fait rien, tu peux largement revenir, comme évoqué, sur cette question de l'historique d'Oxfam France et d'agir ici. Parce que franchement, par les temps qui courent, on a bien besoin de se resserrer les liens, se rassérener entre nous pour qu'on soit moteur de changement, tous autant qu'on peut. D'ailleurs, agir ici, c'est une magnifique expression. Est-ce qu'on peut encore agir ici ? Avec une nouvelle association qui s'appelle Oxfam, mais agir ici, est-ce que ça a encore un sens ? Je vais te dire... plus que jamais, agir dans sa petite sphère déjà familiale, par exemple, hein, ça, ou se rencontrer soi-même aussi, hein, c'est agir aussi. Mais sans aller trop loin dans la psyché ou la philosophie, disons que tu parles juste parce que en abandonnant le vocable agir ici, qui est devenu Oxfam France agir ici, puis Oxfam France, beaucoup de militants de l'époque, des années 80, non, c'est dans 2003, 2006 exactement, les gens trouvaient que l'ADN historique d'agir ici était un peu fichu le camp. Mais je suis le premier à défendre, à dire non, parce qu'il y a eu vraiment un travail de fond très précis entre les gens d'agir ici à Paris et Oxfam Grande-Bretagne. Et d'autres affiliés, j'ai relu ça avant cette émission, Oxfam Canada, en langue française, enfin Montréal plutôt, parce que attention, là-bas ça parle de langue, Oxfam Belgique, et les Français sont allés poser des questions à ces affiliés Oxfam historiques, parce que Oxfam Belgique existe bien avant Oxfam France, et ils ont été complètement rassurés et convaincus que Oxfam faisait le même boulot qu'agir ici, et que les victoires d'agir ici n'était pas dégradé, au contraire. Et j'ai une excellente phrase que j'ai retrouvée d'un des co-signataires de l'appel d'agir ici, parce qu'au départ, c'était un appel d'intellectuels. Ils étaient à peine une grosse dizaine. Hein. Et il y a, j'ai toujours plaisir à le rappeler, ce généticien qui s'appelle Albert Jacquard, qui faisait partie de ces premiers signataires d'Agir ici. Parce que Agir ici, c'est Agir ici pour un monde solidaire, et c'est devenu Oxfam, et donc il y a eu une bascule, quoi. Enfin, c'est-à-dire, l'appel d'Agir ici, c'était Agir ici pour que les choses changent là-bas. Ah oui. C'était où là-bas ? C'était principalement l'Afrique francophone, de l'Ouest, hein, entre Sénégal et tous ces pays qui parlent français en Afrique. Et l'ami que j'aurais pu inviter a réagi à une campagne d'agir ici qui s'appelait Poulet 2. L'Europe plume l'Afrique. Qu'est-ce que c'est cette histoire de... j'ai retrouvé, en fait, c'était l'afflux massif des coupes de poulet se traduit par l'effondrement des activités du secteur avicole en Afrique, car les prix des exportations européennes sont imbattables. Le poulet bas de gamme est acheté aux éleveurs à 1,48€ le kilo, mais exporté vers l'Afrique à 0,50€ le kilo. Etc. Je ne te dis pas tout, mais il y avait en 1996, il n'y avait que 978 tonnes qui passaient au Cameroun, par exemple. Et en 2003, 22 154. Et quand on connaît Agir ici, le poulet, c'est la base de l'alimentation africaine. Et donc, effectivement, il faut que le poulet il soit fabriqué en Afrique et pas... Voilà, ça a désorganisé la filière du poulet de qualité en Afrique. Ouais. Et on envoyait là-bas tous nos croupions, nos ailes qu'on ne voulait pas dans des congélateurs. D'ailleurs, la chaîne du froid n'était pas respectée. Enfin, vraiment une horreur. Et donc, il y a eu... Mais c'est intéressant de parler des éléments concrets comme ça. Il y a eu un véritable progrès. C'est-à-dire, est-ce que l'exportation de poulet en Afrique est devenue plus éthique? Est-ce qu'il y a eu une production locale? Il y a eu zéro changement, Denis. Il y a eu, depuis 1996, on est en 2026, tu te rends compte? Bon, zéro changement, allez. À la marge. Ok, pourquoi les Africains sont tellement remontés contre les anciens colonisateurs, c'est que donc continuent à se payer leur tête vraiment avec ces exportations. Et là, j'ai ici avec ces cartes postales, c'était pas les réseaux sociaux, cartes postales envoyées dans les ministères, a levé vraiment des choses formidables et a fait prendre la réalité aux Françaises et aux Français à ce moment-là. Et voilà. J'ai une question sur Agir ici, Oxfam. Est-ce que maintenant, bon, parce que maintenant Oxfam est une forme de solidarité internationale. Et oui. Comment Oxfam se situe par rapport à la guerre, quoi? Parce que l'actualité maintenant, c'est cette guerre. Oui, qu'on a... effectivement, le poulet nous a égarés. Oui, juste oui, avant, oui, c'est j'en cette guerre à qu'on secours. A. Iran, États-Unis, Israël. Et je reviens. La guerre que nous avons aux frontières. Ben, je reviens à cette phrase. L'Europe, d'un des cofondateurs. La guerre de Poutine à l'Ukraine depuis 4 ans. Ouais, ben, je reviens à cette phrase du cofondateur d'Agir ici, qui s'appelle Jean-Marie Fardeau, qui a été secrétaire national de 1988 à 96. Et il a dit, deux points, ouvrez les guillemets, la phrase est un peu longue, mais elle vaut le coup d'être encore remise au jour. 30 ans après sa naissance, parce que Jean-Marie Fardeau a bien sûr assisté aux 30 ans d'Agir ici, qui était devenu Oxfam France, hein, voilà, puisque Agir ici a officiellement exercé pendant 18 ans. Il cherchait vraiment un deuxième souffle aussi, hein. Et là, c'est là qu'ils ont rejoint une confédération mondiale. À l'époque du village global, mondial, ils recherchaient une ONG puissante qui puisse les représenter. Et en plus, Oxfam cherchait des affiliés partout au niveau des pays du G5 ou du G7. Mmh. Et la France était dans le G5 ou G7, mais n'avait pas de bureau Oxfam en France. D'accord, c'est le début de un autre monde est possible, de trouver ouais, d'autres liens que des liens capitalistes et d'exploitation. Trouver des liens de solidarité au niveau mondial. C'est ça, et faire pression à plusieurs affiliés Oxfam sur les grands décideurs mondiaux. Bon, et je ne reviens pas sur le fait qu'Oxfam était invité à Davos. Enfin, ça, on en a parlé ici avec cet ami la dernière fois. C'était très sympa, puisqu'il y a toujours une dérision aussi. Parce que quand on voit que ça n'avance pas à Davos, ça n'avance du pas de la mule. Alors, dis-nous cette phrase fondamentale sur cette question phrase, de la guerre. Jean-Marie Fardeau, il dit quoi? Il dit « 30 ans après sa naissance, la raison d'être de l'association reste entière ». Certains mauvais esprits diront que c'est un signe de notre impuissance. Si nous étions plus efficaces, le monde serait différent et n'aurait plus besoin d'une association comme la nôtre. Mais dans la vie réelle, les choses qui tirent le monde vers l'abîme restent beaucoup plus puissantes que celles appelant à un changement de modèle, de développement et à une construction plus solidaire. C'est pour cela que, depuis 30 ans, Oxfam France se bat chaque jour pour rendre ce monde plus juste, avec toujours la même énergie et la même volonté. Donc, sur ta question de départ de l'agir, ben oui, on en est là à être des petits bonshommes qui, avec nos petits bras, refusons quelque part ce monde tel qu'il est, mais on est dedans. Donc il faut aussi, entre guillemets, faire avec et faire les bons choix. C'est question d'être éclairé dans ses démarches, etc. Mais là, bon. On le verra tout à l'heure au niveau de l'agenda. Finalement, Oxfam lutte à sa manière et avec ses moyens contre ce qu'on peut appeler la brutalisation du monde ou la violence du monde. Oui, alors je crois que l'émission, là, on va dépasser peut-être la première partie, mais j'ai un exemple concret avec l'affilié américain, puisque tu parlais de cette guerre de Trump en ce moment, et l'affilié Oxfam États-Unis a bien du mal en ce moment. Bon, ah oui. Je crois qu'ils se font aussi plier régulièrement. Mais le dernier info qu'ils nous ont donné, mais ça devrait être viral sur les réseaux sociaux, ce genre de truc. Dans la filière du poulet, tu en parlais du poulet tout à l'heure, les travailleurs mexicains qui sont embauchés sur cette filière du poulet, donc ils sont sur des chaînes d'abattage, et ils découpent des poulets, ils les suspendent, etc. Puis c'est des poulets qui défilent, je ne sais pas combien, à la seconde ou à la minute. Eh bien, les mecs mettent des couches pour ne pas aller aux toilettes, pour ne pas se faire virer. Pour pas... D'accord. Par le contre-maître. Et donc ça... Donc c'est à la fois le poulet, il est dégueulasse, il est immangeable. Oui. Et les mecs qui bossent là se dégradent, en fait. Ils lèvent pas le doigt pour aller pisser, quoi. Donc ça, c'est c'est le pire. Enfin, je crois que c'est le monde tel qu'il est en ce moment qu'il faut dénoncer, quoi. Et ben là, moi, je... Voilà. Oui, c'est-à-dire... Il faut en pleurer ou en rire, mais c'est désolant. Oui, les humains sont transformés en robots, c'est-à-dire que le poulet lui-même n'a plus... Aucune saveur, aucune couleur. Voilà, parce qu'il est produit à la chaîne et... C'est des poulets en batterie. Et les humains qui le traitent sont traités d'une manière inhumaine, quoi. Et toi qui fais partie du MAN pour une action non violente, ouais, c'est une forme de violence qui est très très forte. Et donc l'idée c'est de lutter, parce qu'il faut donner aussi une note d'espoir à ceux qui nous écoutent, c'est lutter contre la brutalisation du monde et contre cette violence-là. C'est, bah, elle commence... Dénoncer, c'est une chose, mais après il faut proposer des... Bon, il faudrait une autre émission parce que... Des alternatives ou des... Oxfam agit sur une filière du petit fruit rouge au Maroc. Oui. Ça a quelque part voisin avec cette histoire du poulet du poulet états-unien. Et Oxfam a réussi à ce que la directrice générale d'Oxfam International aille rencontrer le roi du Maroc sur des questions de travail des femmes de moins de 12 ans dans les champs de fraises. Donc il y a, voilà, concrètement, Oxfam sait faire des choses à haut niveau. Mais je crois qu'on va arrêter là pour cette première partie. Et puis on va passer un peu de Coldplay, parce que c'est le groupe à fond les ballons pour Oxfam. Ah ouais ? Et j'ai appris tard. Ah bah c'est une raison de plus de soutenir Coldplay alors. Cause in the sky, Hello Oxfam sur Fadjet avec le groupe local Oxfam Nancy. Bien, comme tu vas Denis, on a des tas de choses à se dire à Fadjet. Devant témoin. Fadjet, c'est une radio importante et qui nous aide aussi à travailler en réseau. C'est-à-dire que tout seul, on fait des choses, mais là, à tu plusieurs, me fausses sur les pieds. Hein, c'était moi de le dire ça. Non, c'était dans la pause musicale, effectivement. Donc, Agir ici, historiquement, était toujours en réseau avec des gens. Je les cite ici sur un flyer qui remonte aux années. C'était le 20e siècle. Hein. Il y avait le CRID, Frères des Hommes, Alliance écologiste, des gens qui ont peut-être disparu des radars actuellement. Mais ce marqueur de réseau, effectivement, localement, ici à Nancy, on l'entretient. Et pour le groupe local Nancy, on ne cesse d'aller vers les copains, enfin, qu'ils s'appellent Greenpeace. On a l'exemple avec l'affaire du siècle, puisque là, c'était au niveau national, et avec d'autres. Et donc, toi, tu en fais partie, bien sûr. Oui. Mais pour finir, Oxfam, il y a toujours eu plusieurs pistes de travail. La solidarité internationale, le soutien des, on va dire, des gens qui sont exploités, les questions autour de l'écologie. C'est ça. Et tout ce qui est humanisme, antiracisme. Après, voilà, il y a des. Et féminisme. Oui, alors, effectivement, chacun a ses angles. Hein. Greenpeace, typiquement, c'est sur l'écologie. L'écologie, la planète, et le réchauffement climatique, enfin, le changement climatique, où sont très pointus. Et ils feront mieux que nous, ou des choses que nous, on... Mais on est avec... Voilà, de temps en temps, on se regroupe. Et il y a des plateformes. Et il y a une plateforme très, très importante. C'était avec un syndicat, d'ailleurs, c'était avec la CFDT, sur le pacte de pouvoir de vivre. Oui. On en a déjà parlé ici, où certains groupes locaux, Oxfam en France, se rallient spontanément à cette plateforme, qui regroupe 60... Là, c'est pas une dizaine, c'est 60 organisations. Après, il faut faire attention parce que 60 orgas qui se réunissent, il y a toujours des marqueurs plus ou moins importants et il faut s'entendre. Mais je pense que c'est important, on va dire les choses très clairement. Dans un moment où on vit au niveau démocratique beaucoup de difficultés, avec une extrême droite qui monte très très fort, une droite qui est en train de baisser la garde et avec une alliance des droites qui est extrêmement dangereuse. Complètement. Et donc, avec des gens qui, là on le voit au niveau des campagnes municipales, exprime un racisme complètement décomplexé et qui n'a plus de barrières. Je pense qu'il est extrêmement important de savoir travailler ensemble, quelles que soient nos différences. Absolument. Hein. Bon. Ça s'appelle... Oui, il y avait un terme précis quand on était Alternativa, d'ailleurs. Oui. C'est savoir travailler ensemble, quelles que soient nos différences, pour pouvoir construire un monde vivable, quoi. Bah, complètement. Donc, la partie agenda qui était prévue... Ah, la partie agenda, justement, le 14 mars, pour que notre monde continue à être un peu vivable, il y a une manifestation non au racisme, non aux fascistes et aux néo-fascistes, et à toutes les violences, ces solidarités, ces places Maginot à 14h à Nancy, le 14 mars. 14 mars. Ça correspond à une journée internationale contre le racisme. Et il y aura des manifestations partout en France. Okay. Et donc ça, c'est important dans ce moment-là où on risque un bascule de nos sociétés vers un autoritarisme insupportable. Je me permets d'interrompre sur l'agenda par rapport à justement ces journées nationales, et on avait tout près de nous là le 8 mars la journée des femmes. Oui. Où effectivement, mais là peut-être tu as une info du côté de Oxfam Metz. Oui. Mais comme on est après le 8 mars, il y a à nouveau quelque chose que tu as repéré. Et il y a un apéro féministe qui est fait à Metz par le groupe d'Oxfam. Oui. Et c'est devant nous là, qui est c'est dans un tiers lieu qui s'appelle la Dragonne. La Dragonne, oui. Voilà, bien sûr. C'est ça. Que je connais bien, puisque je te rappelle quand même que le groupe local de Metz, j'en suis un petit peu. Mais justement, c'est ça. Au début, après être revenu à Nancy tranquillement, mais ils ont du chou, ils sont très chouettes. Voilà. Angelina et Fabien. Oui. Et si vous avez l'occasion, vous voyez le film La Maison des Femmes. C'est un film absolument magnifique qui est sorti le 4 mars et qui continue à être à l'affiche. Juste. Je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir dans ces agendas des moments où on dénonce, c'est-à-dire que le 14 mars, c'est une manif antifasciste, quoi, on va dire les choses clairement, antiraciste, et aussi tous les éléments de propositions qu'il peut y avoir dans un film comme La Maison des Femmes. Ou dans celui qui s'appelle Les Pilleurs de Terre. Oui, ok. Qui a lieu le vendredi 13 mars au Caméo Saint-Sébastien avec la présence d'un député qui est très proche d'Oxfam et de CFD Terre Solidaire, avec Dominique Potier. Avec lequel nous avons déjà fait un ciné-débat, oui. Et donc, Pilleurs de Terre, c'est le vendredi 13 mars à 20h par rapport à tout ce qu'on dénonce et tout ce qu'on propose. C'est-à-dire, on dénonce l'accaparement des terres par les multinationales et la destruction des écosystèmes. Et on parlait de l'Afrique, justement. Et donc, là, ça montre à la fois toutes les propositions qu'il peut y avoir pour répondre à tous ces enjeux climatiques, écologiques et humains, quoi. Voilà. Et puis donc, de notre côté Oxfam à Nancy, on a fait partie d'un comité de pilotage qui a donné lieu à cette conférence le 1er avril. C'est pas un poisson. À l'aquarium de Nancy, c'est pas un poisson non plus. L'amphithéâtre qui s'appelle Lucien Queneau, rue Sainte-Catherine, hein, tout le monde connaît à Nancy, c'est l'aquarium. Avec une conférencière de premier rang qui s'appelle Madame Cécile Renoir, qui, avec un titre qu'on a bien fouillé après avoir bien discuté, « Le progrès a-t-il un sens ?» Point d'interrogation. Vaste question, vaste sujet, mais je pense que Madame Renoir saura vraiment bien éclairer notre lanterne là-dessus. Et à l'issue de cette conférence, il y aura un atelier débat où on invite quelques étudiants qu'on souhaiterait voir le plus nombreux possible, parce que nous autres, nous sommes des militants de la première heure, mais je ne veux pas dire bientôt de la dernière, mais on a plutôt plus de 60 ans, on va dire. Et des fois, on se dit, mais où sont-ils ces jeunes gens qu'on voudrait bien embarquer avec nous de temps en temps? Sur des bons coups, quoi. On va dire, il n'y a pas de lézard. Ah oui, il n'y a pas de lézard. Et donc, si on se résume, il y a aussi des initiatives d'éducation populaire que fait Oxfam, justement, dans le milieu étudiant, il me semble. Merci, Denis, de me rappeler. Oui, qui est très intéressante, la fresque des inégalités. Exactement, le 26 mars, à l'IUT du Montet, juste derrière le Jardin botanique, à l'invitation d'un sympathisant, un adhérent Oxfam qui est sur place et qui, gros clin d'œil à Helmut, et lui aussi a invité un journaliste d'un média parisien dont j'ai oublié le nom, mais une conférence autour de midi. Et l'après-midi, on va développer plusieurs fresques des inégalités avec des inscriptions avec des étudiants. Oui. Donc, on se résume. Le 13 mars, vous êtes forcément au cinéma Caméo pour Les Pilleurs de Terre. Le 14 mars, le lendemain, le samedi, vous êtes forcément à 14h, place Maginot, pour lutter contre le racisme. Dans la rue. Hein, forcément. Et ensuite, vous êtes avec Oxfam sur les... tout ce qui est... Le 1er avril, bien sûr, cette conférence, ouais. Entrée libre, important, hein, c'est gratuit. Il y a un amphi à remplir, j'espère qu'il sera bien rempli. Le 1er avril, oui, et c'est au musée Aquarium de Nancy. Voilà, à 20h. Hein, le 1er avril. Madame Renoir. Oui. Et puis, si vous avez envie de fréquenter l'hôtel de ville de Nancy, il y a quelque chose de très intéressant le 26 mars. C'est Benjamin Stora, qui est historien, spécialiste de l'Algérie contemporaine, qui vient sur une analyse de anatomie, une déchirure entre la France et l'Algérie. Mmh. Et donc, il est invité à la fois par la mairie de Nancy et des associations. Peut-être une que je connais bien de Vendeuve, dont j'ai fait partie il fut un temps, mais on en reparlera. Oui, certainement. Et donc voilà, un agenda pour nourrir nos réflexions et puis peut-être lutter contre la brutalisation du monde et essayer de... Respirer un grand coup, oui. D'analyser un peu tout ça sur ce qui nous arrive. Merci Denis, et puis à suivre ou à une prochaine fois. Et au plaisir de se retrouver. Bye bye.